Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 149. De la sobriété. Objet de la sobriété. Licité de l'usage modéré du vin. À quelle personne la sobriété est surtout nécessaire? 1. La boisson est-elle l'objet de la sobriété? Buvez avec modération, si vous voulez être sobre. Ecclésiastique 31-32. Le mot sobriété vient du mot latin bria, qui signifie mesure, ce qui montre que l'homme sobre sait garder la mesure. La sobriété a pour objet spécial ce en quoi il est très louable de garder une mesure, les boissons enivrantes, dont l'usage modéré est très utile, et l'excès très nuisible, puisqu'il prive de la raison beaucoup plus que l'excès de nourriture. Le vin pris avec sobriété, nous dit l'Esprit Saint, est la santé de l'âme et du corps, pris sans modération, il produit l'irritation, la colère et une grande ruine. Ecclésiastique 31-37. Ainsi la sobriété a pour objet particulier, non pas toute espèce de boisson, mais le vin et les liqueurs enivrantes, dont les fumées troublent le cerveau. Note. La sobriété a la même signification que la tempérance, mais un petit excès étant plus dangereux dans le boire que dans le manger, le boire est son objet spécial, ici, la mesure est par-dessus tout nécessaire. Fin de la note. 2. La sobriété est-elle une vertu spéciale? Macrobe signale la sobriété comme une partie de la tempérance, la raison rencontrant, dans la direction de nos mœurs, un obstacle particulier dans les excès du vin et des breuvages enivrants qui troublent le cerveau par leur fumée, il nous faut, pour éloigner cet obstacle, une vertu particulière, la sobriété. 3. L'usage du vin est-il illicite? Saint Paul écrit à Timothée, « Ne buvez pas encore de l'eau, usez d'un peu de vin, à cause de votre estomac et de vos fréquentes infirmités. » 1 Timothée 5, 23. La Sainte Écriture dit encore, « Le vin pris avec modération réjouit l'âme et le cœur. » Ecclésiaste 31, 36. Bien plus, d'après cette parole de notre Seigneur, ce n'est point ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, Matthieu 15, 11, il n'y a ni mets ni boisson qui soit en soi illicite. L'usage du vin n'est donc pas défendu, accidentellement, cependant, il peut être interdit, soit à cause de l'état de celui qui boit, si sa raison se trouble facilement ou s'il est lié par quelque vœu spécial à cet égard, soit par la manière de boire, lorsqu'on dépasse les bornes raisonnables, soit à cause des personnes qui s'en scandalisent. 4. La sobriété est-elle nécessaire principalement aux grands? La sobriété est surtout nécessaire aux jeunes gens, aux femmes, aux vieillards et aux personnes constituées en dignité, aux jeunes gens, qui sont par leur âge très portés à l'amour des plaisirs, aux femmes, qui manquent d'énergie pour résister à la concupiscence, aux vieillards, dont la raison doit être plus ferme pour instruire les autres, aux personnes constituées en dignité, et d'abord aux évêques et aux ministres de l'Église, pour remplir pieusement leurs fonctions spirituelles, ensuite aux princes, afin qu'ils gouvernent les peuples avec sagesse. Note. Ainsi se justifient les textes suivants de la Sainte Écriture, exhorter les jeunes gens à la sobriété. Tite 2, 6. Que les femmes soient pudiques et sobres. 1 Timothée 3:11. Recommander la sobriété aux vieillards. Tite 2:2. Il faut que l'évêque soit irréprochable, sobre et prudent. sobre et prudent. 1 Timothée 3:2. Ne donnez pas de vin au roi. Proverbe 31:4. Markendanarchive.org 2020. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.